Chapitre 9e, le départ. Les recherches de Pedro Diaz et de Cepeón furent, comme on a dû le supposer, sans résultat. Ils ne purent retrouver la piste de Job. Le déguisement du capitaine Maresco pendant son court séjour à l'Hacienda avait été si complet et sa transformation après le crime si rapide, personne au monde n'avait pu soupçonner l'identité des deux personnages. Bien plus, c'est que le brave Texien, Simon physionomiste qu'il fût, et quoique rompu depuis son enfance aux ruses des pirates de prairie, avait rencontré, à quelques milles de San Antonio, l'aventurier et sa compagne, sans se douter qu'il avait devant lui le misérable qu'il poursuivait. Après 4 heures d'investigation en tous sens, les 3 escouades rentrèrent à l'Hacienda, sans avoir pu mettre la main sur le prétendu Job. Le docteur Cavarox, qui assista à leur retour, prit Pedro à part et lui dit: je m'attendais à votre insuccès. Vous avez affaire, mon ami, à d'habiles scélérats. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'engager le jeune duc à mettre le plus vite possible l'immensité des mers entre lui et les ennemis de sa famille, car je ne le crois pas en sûreté ici. C'est mon avis, répondit le Texien. Toutefois, j'hésite à lui faire part de mes terreurs secrètes. Et vous avez raison, reprit le docteur. Il est inutile de jeter le trouble dans son esprit. Mais croyez-moi, pressez son départ, et puisque vous devez l'accompagner en France, veillez bien sur lui pendant le trajet de San Antonio à la Veracruz. Pedro Diaz n'eut point de peine à décider le duc Jean à quitter sur le champ le Mexique. L'immense douleur qu'il ressentait de la mort de son père lui rendait odieux le séjour de ce pays. D'un autre côté, il lui tardait de se rapprocher de Fernande, dont l'image avait fait une si vive impression sur son cœur. Toutefois, le voyage de la Sierra Verde n'était pas une petite affaire. Non seulement l'espace à parcourir était considérable, mais il fallait encore traverser des solitudes coupées par des rivières profondes, des forêts souvent impénétrables, et de plus, on se trouvait à chaque instant exposé à rencontrer l'une de ces hordes sauvages qui étaient en guerre perpétuelle avec la race blanche. Malheur à l'Européen qui s'aventurait dans ses désirs inhospitaliers. S'il n'avait pas les provisions nécessaires à la vie et une force armée suffisante pour le protéger. Dans le premier cas, il courait grand risque de mourir de faim. Dans l'autre, il tombait inévitablement entre les mains des Comanches, des Apaches ou des Nakatoès, qui massacraient tous les étrangers dont il s'emparait. La veille du jour fixée pour le départ du duc Jean, Don José, qui avait revu plusieurs fois Carmela depuis la mort du duc de Clodion, était en grande conversation avec elle dans le salon du chalet. La créole lui donnait ses dernières instructions. « Vous avez bien compris, » lui disait-elle. « Vous accompagnerez votre frère jusqu'au 3e campement et vous ferez en sorte qu'on campe à la sortie du canyon d'Oripas, au pied de la montagne à pic qu'on nomme la Roche Noire. Oui, ensuite, après le repas du soir, vous ferez vos adieux à votre frère et vous quitterez le campement comme pour vous en retourner à San Antonio. Mais pendant le repas, vous aurez soin de jeter dans son verre une pincée de la poudre blanche que voici. » Le bâtard fit un bond. « Du poison » dit-il avec une indignation qui n'était pas jouée. « Rassurez-vous, » répondit la jeune créole en souriant, « c'est un simple narcotique. Vous me le jurez, je le jure devant le Christ qui me regarde et m'entend. » Et elle désigna un Christ en ivoire placé au-dessus d'une étagère. « Lorsque vous vous serez séparé de votre frère, » poursuivit-elle, vous viendrez me rejoindre à l'entrée du canyon de Ripas, et là je vous expliquerai ce que vous devrez faire pour vous mettre au lieu et place du duc Jean. » Don José, rassuré par le serment solennel de Carmela, promit de suivre à la lettre les instructions qu'elle lui avait données. Le lendemain, c'était 10 jours après la mort du duc de Clodion, les deux frères quittaient la Hacienda, suivis d'une escorte de 20 péons bien armés, bien équipés, et portant derrière les selles de leurs chevaux les vivres nécessaires pendant le trajet. Pedro Diaz commandait cette escorte. Le commencement du voyage se passa fort paisiblement. Jean et José, précédés de 2 pointeurs, abrégeaient les ennuis de la route en tirant les gibiers que levaient les chiens. Chaque coup de feu tiré causait une vive inquiétude à Pedro. Cette fusillade incessante, pensait-il, va nous attirer sur les bras une nuée de sauvages avec lesquels il faudra en découdre, et Dieu sait ce qu'il adviendra. Le second jour, ses appréhensions redoublèrent. À diverses reprises, on entendit dans les profondeurs de la prairie des bruits étranges sans apercevoir âme qui vive. mais bientôt ces bruits cessèrent pour ne plus se renouveler. Chaque soir, au coucher du soleil, la petite troupe établissait son campement dans un endroit favorable, et après un repas composé de viande séchée et de quelques pièces de venaison, produit de la chasse de la journée, on allumait de grands feux pour éloigner les fauves. Cela fait, les péons entravaient leurs chevaux, puis se roulaient dans des couvertures de laine afin de se garantir du froid glacial de la nuit. Quelques instants plus tard, tout le monde, hormis la sentinelle qu'on relevait d'heure en heure, se livrait aux douceurs du sommeil. La troisième journée fut marquée par un incident. Pedro Diaz, qui surveillait la prairie armée de sa longue vue, aperçut vers le soir, dans le lointain, deux cavaliers revêtus du costume mexicain. Autant que l'éloignement lui permettait de distinguer, il reconnut que ces voyageurs, montés sur d'excellents chevaux, étaient de taille tout à fait différente. L'un, de haute taille, paraissait avoir de 25 à 28 ans. L'autre, beaucoup plus petit, semblait âgé de 15 à 16 ans au plus. Le brave Texien, qui savait par expérience que rien ne doit être indifférent dans le désert, voulut avoir le fin mot de cette double apparition qu'il trouvait d'autant plus suspecte que jusqu'à ce moment aucune trace de voyageur n'avait été relevée. Il donna de l'éperon à sa monture afin de pousser une reconnaissance. « Où donc courez-vous ainsi ?» lui demanda Don José. « Je viens d'apercevoir là-bas deux cavaliers, » répondit-il en désignant un point noir, « et je tiens à savoir qui ils sont. » « C'est un surcroît de précaution bien inutile, » reprit le duc Jean. « Que pourrions-nous redouter de deux voyageurs isolés? N'avons-nous pas une escorte des plus respectables ?»« Qui nous dit, monseigneur, que ces gens-là ne sont pas les espions d'une troupe de pillards des prairies ?» repartit le prudent Texien, qui sait même si ce ne sont pas des apaches ou des comanches déguisés. « Va, mon brave Diaz, » fit le jeune duc en souriant, « va, puisque tel est ton désir. » Pendant ce court échange de paroles, les deux cavaliers, qui peut-être s'étaient doutés qu'on voulait les rejoindre, avaient fait prendre à leurs chevaux une allure beaucoup plus rapide. Pedro, libre enfin de sa volonté, partit comme un ouragan dans la direction des deux voyageurs suspects. Mais comme ceux-ci avaient de leur côté pressé le pas de leur monture, ils purent conserver la distance qui les séparait du Texien. Pedro Diaz redoubla d'ardeur. À l'action de l'éperon, il joignit le jeu de la cravache, et alors il gagna du terrain. Mais au moment où il espérait les atteindre, il les vit tout à coup disparaître, sans s'expliquer comment et par où ils avaient disparu.